qtr.ca/impro ou /patriote, ça ne marche pas. Faut que tu mettes 3 W. Mais parce que si tu fais qtr.ca, ça fonctionne. Oui, oui, c'est ça. OK. Je pense que oui. Mais si tu rajoutes l'info, ça marche pas. Moi, je me demandais, si Mathieu a une MTS, on appelle ça la mycologie pareil, si jamais quelqu'un va aller voir? Ça dépend c'est quelle sorte. Okay. Il y en a qui sont virales, qui sont bactériennes, d'autres qui sont fongiques. Donc, ça dépend vraiment quelle sorte. Ouais. Et Steph, pour te corriger, en effet, si tu marques qtr.ca, moi, ça ne fonctionne pas sur mon ordinateur. Ah, ben moi, ça marche. D'habitude, mais il doit les rajouter marche, tout seul. Mais en tout cas, là, on s'embarque dans des histoires, mais je pense qu'il les rajoute tout seul. Si tu y vas vraiment juste avec http://qtr.ca. Mais ça marche chez moi. Ah, ça se peut. Mais en tout cas, bref, on s'en fout. On s'est-tu embarqué dans un sujet? Hein? Ouais, mais c'est pas si c'est toi qui n'es pas grave. Bon. Non, mais ouais. Quand j'ai dit notre site internet, j'ai dit les W. Excellent. Il faut que les gens le sachent. Oui. Sinon, ils vont être perdus dans le bois. Ils n'iront pas le trouver. Ils se seront pas faire leur trou. Fait caca. C'est ça. C'est ce qui se passe. Hey, c'est dur la vie. Le World Wide Web. On s'en sauve pas. Les problèmes du premier monde, comme on dit. Entièrement. Charles-Antoine Rioux, merci. Merci à vous. C'est tout déjà, là. Moi, tu me laisses sur ma faim. Ah. Tu l'as-tu des champignons? Ben, si t'en avais, c'est sûr que j'en prendrais. Mais il n'y en a pas. Est-ce que t'as quelqu'un avec une coupe champignons? Je l'ai pas trouvé. Depuis tantôt, j'ai pas trouvé. Des bois, ça compte-tu? Hein? C'est vrai qu'il y a un petit peu. Un petit peu. Si vous connaissez Jean-Philippe Charbonneau des Palmarassifs. On te retrouve dans 2 semaines, Jean-Antoine. Oui, absolument. Puis si vous voulez, on peut parler de nourriture dans 2 semaines si ça vous tente. Je peux. On a quand même parlé de champignons. Oui, mais on pourrait le rendre plus cru encore dans la nourriture en plein air. On va faire ça. Ah, on va le farcir, le champignon. Oui, on va le farcir. Bon, la chronique qui est plein air, con queso. Con queso. De retour la semaine prochaine. Pour l'instant, on va écouter une pièce de Pretty Reckless. C'est nouveau sur le palmarès anglophone. C'est leur 3e extrait de cet album. Avec son nom Going to Hell, voici Absolution au 89.1 FM. The Pretty Reckless et l'extrait Absolution sur l'album Going to Hell à Sondage Rookie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Allô, Jeff Veilleux. Salut, bon lundi. Pas bon lundi à toi. T'as eu passé une belle fin de semaine, je pense? Oui, oui, tout à fait. Bien occupé? Tout le temps. Ça n'arrête jamais. Je te suis sur Facebook puis, quand je peux, puis j'aime bien ça. Alors, t'as amené un invité avec nous autres? Oui, tout à fait. C'est génial. Présente-nous-le. Dominique Hamelin, un bon ami à moi qui travaille à Greenpeace, entre autres. Et qui, salut, qui, Dominique. Ben oui, militant salut. Dans les réseaux indépendantistes. Et puis là, en fait, on est en plein dans l'actualité parce que le chef d'État français est ici. Canada cette semaine pour nous dire que pour encourager Stephen Harper à protéger l'environnement, à lui rappeler que la prochaine conférence du climat est en décembre prochain à Paris. Et finalement, M. Hollande a dit qu'il était d'accord avec les sables bitumineux et que le projet de l'oléoduc est une bonne chose parce qu'évidemment, ce projet-là, c'est pas pour la consommation des Québécois, c'est pour l'exportation des sables bitumineux. Alors aujourd'hui, je vous ai amené un expert en écologisme et en énergie renouvelable pour nous parler de TransCanada et un peu plus des enjeux là, écologiques qui touchent la souveraineté du Québec. Génial. Ben, vas-y, mon homme. Ben oui, salut. Voilà, expert, on se calme. Comment? J'ai dit expert, on se calme. Mais non, c'est que j'ai fait partie de l'équipe Greenpeace tout l'été, dans le fond. Fait que j'ai fait du porte-à-porte, c'est ça, à Trois-Rivières, pour parler de, c'est ça, de bon, ce qu'on fait. Puis surtout, du pipeline qui va passer par ici. Là. Donc, ce que je peux dire vite, la réponse, c'est que personne n'est pour ça, finalement, là, que ça s'en vienne ici. Sauf, bon, c'est, mettons, c'est 95%, puis sinon, ben, c'est juste du monde ben, un peu qui savaient pas, que c'était un peu bon, de l'ignorance. Je pensais que le pétrole, ça s'en venait pour nous autres, finalement. Puis bon, ça prend deux, trois phrases. Puis, juste question comme ça, vers où il va passer ici, dans la région, mettons? Dans la région, là, ça va passer. Tout l'État, là, il disait ben, depuis plusieurs mois, OK, si ça arrive sud, ça arrive nord, là, si ça arrive nord, ça fait vraiment un bout. Ça s'enligne là-dessus, là. Ça serait entre Trois-Rivières puis Mont-Carmel, bord en bord de la rivière Saint-Maurice, qu'on vient de dépolluer en 95. puis ça serait juste peut-être surtout au-dessus du gazoduc, là. Okay. Bon, en haut de la station de pompage d'eau. Oui, je suis dans quel coin, là? C'est ça, ça serait à peu près là sûrement. Puis c'est ça qui est plate, là. Ben, qui est dangereux, parce qu'au-dessus de la station de pompage d'eau, on peut... C'est la place, hein? Ben, c'est parce que le courant s'en va par là, donc on peut reciper ça, si on peut dire. C'est ça qui s'est passé avec la rivière Kalamazoo aux États-Unis, là, en 2013, là. Ça leur a coûté 1,3 milliard, tu sais. C'est du monde, il y a des centaines de personnes qu'il faut qu'ils déménagent dans ce temps-là. Ça coûte cher tout réparer ça. C'est assez... Non, c'est ça. Faut vraiment pas que ça passe ici, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, qu'est-ce qu'on fait? On informe le monde, hein? Il faut que la population... Parce que là, pour tout de suite, le gouvernement, bon, Couillard, lui, il marche main dans la main avec Harper, puis en vrai, ça passe. C'est sûr qu'il doit avoir des intérêts en dessous de ça, là. Mais tu sais, on informe le monde. Il faut savoir là, que ça part de Fort McMurray en Alberta. C'est tellement gros là, en termes de déforestation, puis ça prend des milliers de bassins de décantation, ce que les oiseaux s'en vont là-dedans, puis fondent, parce que c'est dégueulasse. On pourrait en parler longtemps, mais ça, c'est visible de l'espace tellement que c'est important, là, ça, par la muraille de Chine. Et puis, en fait, ben, c'est ça part de là. Ça prend des milliers de litres d'eau pour extraire ça. C'est vraiment du gaspillage d'eau potable. C'est, en termes de gaz à effet de serre, rien de pire. C'est comme si le projet va à terme, c'est comme si on rajoutait 7 millions de chars là, par jour en circulation, c'est dégueulasse. Wow. Et puis, c'est ça, ça équivaut à une ville de 2 millions d'habitants en termes de consommation d'eau potable. Là. On s'entend un peu que c'est un peu n'importe quoi. Il faut aller vraiment dans des kilomètres là, dans la terre pour faire la fracturation, là, tout ça. Il faut traverser la nappe phréatique, tout ça. Puis bon, ça s'en vient, après ça, ils font une pipeline qui va s'emmener, qui veulent qu'ils s'en viennent jusque vers l'est du Québec parce que c'est bloqué en Colombie-Britannique, celui qui s'en allait à Kitimat, OK, par les Premières Nations. Ah, mais eux autres, ils ont des belles montagnes, puis tout. Mais ils sont dans les belles montagnes, en plus, à Fort McMurray, mais ils ont tout défait ça, tu sais. C'est... Bon, c'est ça, c'est leurs intérêts. Qu'est-ce que tu veux, ici, au Québec, on est moins axé là-dessus. On n'est pas du tout, dans le fond, là, on n'en veut pas, mais bon, c'est ça. OK, au BC, tu parles, c'est les montagnes. C'est surtout avec les Premières Nations puis les organismes environnementaux. Mais eux autres se sont tenus un peu. Exact. Même aux États, hein, ça passait depuis 10-12 ans avec le Keystone XL, mais ça leur a tellement coûté cher qu'Obama, il a dit OK, ça va faire. On laisse faire ça. C'est ça. Puis là, au Nord, c'est sûr que c'est infaisable. Bon. Puis les Américains, ils n'ont pas besoin de notre pétrole en plus. Ça ressemble à ça, mais surtout pas du sort bitumineux. En plus. C'est ça qui est aberrant. T'sais, ici, on a conscience aussi que ça nous en prend du pétrole, là, mais calique, pas celle-là. Là, t'sais. Oh, ouais. C'est ça. Bon, puis, fait que, t'sais, au nord, à l'est, à l'ouest, ça passe pas. On est la dernière. Dernière porte. La dernière porte. Faut vraiment bloquer ça au Québec, surtout qu'on n'a pas cette mentalité-là, un point de vue environnemental. Fait que, faut bloquer ça. Mm-hmm. Déjà, au Québec, 50% de nos énergies sont renouvelables. Fait que ça démontre déjà là, qu'on s'en va dans la bonne direction. D'ailleurs, pour le protocole de Kyoto, le Québec avait respecté ses cibles, mais le Canada a finalement retiré sa candidature, là, sa signature en notre nom. Ça, c'est des... Ouais, moi, j'aurais été moins poli que toi. J'aurais dit « c'est torché avec ». Ouais, ouais, parce que c'est vrai que dès 2006, Stephen Harper qualifiait Kyoto de complot socialiste. Ben oui, c'est sûr. Ouh. Mais lui, c'est quoi ses complots? Complot conservateur? Conservateur monarchiste ouais, c'est canadien. Ça. En tout cas. Ça va à l'encontre des valeurs québécoises, le retrait de Kyoto. Là, c'est mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettons? Parce que comme c'est là, comme les médias en parlent, c'est passé quasiment. Ah, les sorts bitumineux, oui. Ben, le pipeline, là. C'est quasiment passé, puis justement, tout le monde parle. Ah, ben, on est la porte de. C'est comme si le combat était fini, tu sais. Mais ça dépend comment tu vois ça. Moi, bon, OK, je lis, par exemple, le Nouvelliste à tous les jours, j'enrage à tous les jours. Ouais, si, je te comprends. Mais, tu sais, c'est ça, comme les médias nous rendent ça, mais si t'arrêtes d'écouter tout le temps les médias de masse, la TV, puis c'est ça, la presse, c'est incroyable les mentries qui peuvent nous compter là-dedans par rapport à ça. Si tu vas des manifestations, si tu t'informes des médias indépendants, si tu vas voir Équiterre, Greenpeace, Ensemble contre les sorts bitumineux sur Facebook, Martin Poirier, Nature Québec, peu importe, tous ces groupes-là, tu vois que ça avance, là, tu sais, on était 2500 à Sorel, là, il y a deux semaines. En fait, 2500 à Kakuna, puis on était entre 3 et 4 000 à Sorel-Tracy. C'est pas fait, là. C'est pas vrai que c'est fait. Les échéanciers, ça s'en vient pas avant 2018, une histoire comme ça. Mais c'est sûr qu'ils viennent faire des petits... comment t'appelles ça? Bon, ce qui s'est passé à Batiscan, puis à Masquinongé, compagnie Énergie Est, Trans-Canada Est, viennent rencontrer les citoyens. Ouais, c'est ça. Ah, ça va être correct, ça sera pas trop... Ouais, ils font le fin, là. Mais c'est imposé de toute façon. C'est le transport, c'est fédéral. Nous autres, les municipales, puis tout ça, même si ça respecte pas les sécurités, les normes de sécurité, comme le maire Lévesque s'est dit, ah, bon, on s'en lave les mains parce que c'est un autre palier qui s'occupe de ça. Mais non, c'est ça, ils font ça pour endormir les citoyens. Il faut que la population dise non, maintenant, ils n'auront plus le choix de nous écouter. Puis, sinon, il faut aller plus loin, il ira. Ben, ça, c'est clair. Les gens ne savent pas, on dirait, ils ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont réellement. Parce que si on voudrait Harper, demain, il n'est plus là, là. Puis ça, c'est bizarre que les gens. On se sent vraiment comme des petits devant. T'sais, parce que la vraie démocratie, si tout le Canada dirait on le veut plus, il ne pourrait pas rester là, là en place. Il n'y a pas une question d'élection à date fixe. Là, si on était tanné, pour vrai, il y a des processus politiques qui existent pour ça. Fait que je comprends pas que les gens ont ben c'est comme tu as dit tantôt, je pense que c'est les médias qui nous mettent dans la tête que c'est fini ou qu'on est comme victime de ça puis qu'on peut rien faire, tu sais. C'est ça qui est le plus dur, je pense, à renverser, parce qu'on a les pouvoirs d'une certaine façon, mais on les prend pas. Le pouvoir civil, le pouvoir des citoyens. Oui, c'est ça. Mais la contestation est en train de s'organiser quand même. Si on fait un parallèle avec Gentilly 2, on a réussi à la faire fermer. Tout à fait. Ça a pris plusieurs années. Sauf que là, le dossier est encore plus important parce que Philippe Couillard fait de la pleuventrisme devant TransCanada et finalement laisse à Ottawa la décision finale alors que ça va passer sur nos terres. C'est nous qui prenons 100% des risques écologiques là-dessus alors que la majorité des profits seront pas dans nos poches. Puis est-ce que c'est moi qui ai rêvé ou en fin de semaine, je pense TransCanada a avoué que ça brisait des habitats pour les... Il y a quelque chose que j'ai vu passer dans les journaux. Est-ce que vous avez vu passer ça? Ouais, non? Non. Je pense qu'il aurait avoué qu'il brise un écosystème, là, tu sais. Okay. Fait que c'est déjà pas pire à savoir. Celui des belugas, en fait. Ouais, ouais, exactement, c'est ça. C'était par rapport à ça, là. Mais c'était TransCanada. J'ai pogné ça à un moment donné sur Facebook, puis j'ai fait... ah ben au moins ça donne une valeur quand même aux commentaires là. C'est quand la compagnie le dit puis l'avoue même. Okay. C'est déjà un bon départ. J'ai pas vu ça. Mais j'essaierai de retrouver ça, je vous fiderai ça les gars. Tu sais, des fois on va juste un site de sport sur Radio-Canada ou n'importe quoi sur un site puis t'as tout le temps la pub Énergies Trans-Canada est là pour des énergies renouvelables puis c'est propre là, ouais. Voyons donc, fait que je sais pas, je l'ai pas vu, ça serait la première fois qu'il dirait de quoi qu'il y a de l'allure là. En tout cas, on va souhaiter, je vais essayer de vous trouver ça. Je vais essayer de retrouver ça. Puis il faut rappeler aussi que le fleuve Saint-Laurent, c'est 4000 espèces, dont une dizaine d'espèces en péril. Puis en fait, le truc avec les bélugas, c'est que c'est juste une espèce menacée. C'est pas une espèce en voie d'extinction. Si on ferait juste passer d'un à l'autre, les forages seraient interdits automatiquement. OK. Fait que c'est encore de jouer ces mots. Ouais, c'est juste un petit des astuces. Ils sont pas encore assez. Ils sont pas assez en péril, fait qu'on va continuer de les menacer. Il en reste moins de 900. C'est assez en péril, mais ça. Les caribous forestiers dans le nord, là, ils essaient de protéger les forêts, ça va bien, le monde, ça pousse, puis il en reste 1900, tu sais. Mm-hmm. On dit souvent, c'est comme une école secondaire, à peu près, de caribous qui restent, mais c'est encore moins pour les bélugas, tu sais, puis c'est unique comme espèce, ça fait marcher toute l'économie du tourisme, de la pêche là-bas, tout, tu sais, tu viens fucker à la chaîne alimentaire, là, il n'y a rien qui fonctionne. Non, c'est clair. OK. La consommation de pétrole aussi du Québec par jour est environ de 300 000 barils. Okay. Puis là, TransCanada S veulent faire ils vont faire passer dans leur tuyau 600 000 barils par jour et éventuellement jusqu'à 1 million de barils par jour. Donc, c'est pas mal plus que la consommation québécoise. Comme je disais tantôt, l'exportation, là, c'est évident que c'est un motif caché derrière ça. Ben, il n'y a pas d'autre motif. Non, c'est clair, là. Surtout que François Hollande est venu nous dire ici qu'il en voulait puis qu'il était d'accord avec ça, mais ça va complètement... Je me demande pourquoi il est chef du Parti socialiste, d'ailleurs. On n'a plus les socialistes qu'on avait. Oui, mais ça, c'est à l'image des autres politiciens, là, je pense. T'as-tu quelques chiffres là, pour réveiller nos auditeurs sur le pétrole? Oui. Sur le pétrole, tu me dis, j'en ai tellement des chiffres. Vas-y. Ben, comme tu as dit tantôt, c'est 50% de notre consommation d'énergie est renouvelable au Québec, l'hydro, le biomasse, tout ça. Il nous reste rien qu'un petit bout à faire, ce serait 12% pour le gaz naturel. T'sais, l'autre 50%, c'est ça, c'est les énergies non renouvelables, c'est le pétrole, tout ça. Quand on parle, mettons, de gaz de schiste, il y a 30 puits dans la vallée de Saint-Laurent, puis il y en a 20 là-dessus qui fuient. Tu sais, c'est toutes des mesures qu'au Québec, on veut pas, là, t'sais, parce qu'il faut quand même faire un... faut quand même... Mais pourquoi on n'entend pas parler de ces puits-là qui fuient? Je pense que ça, dans l'opinion publique, les gens... Occupation double, OK. Ouais. Bon, tu sais, c'est des trucs de même, là, où ça va tellement vite. Des fois, tu vois passer des chiffres, mais il faut vraiment que tu sois dedans. Comme d'autres, bon, exemple, c'était tout, t'es avec notre équipe, on suivait ça de près, là, puis on se sentait bombardé. Dans le fond, c'est parce qu'on est juste plus à l'affût, là, de ce qui se passe, mais. Écoute, je peux t'en ben, on sait que le Canada investit là-dedans, là. Je pense que c'est 1,4 milliard annuellement dans les sables bitumineux. Fait que depuis 10 ans, là, ça fait 14 milliards qu'on met pour développer, dans le fond, un pétrole non conventionnel qui est déjà plus polluant que le pétrole normalement qui se fait ailleurs. Fait qu'il y en a plusieurs qui qualifient finalement le Canada que c'est rendu un pétro-pays. C'est rendu un état pétrolifère. Pour ça, il faut s'informer surtout à l'organisme Non à une marée noire dans le Saint-Laurent, qui a été fondé en avril 2010, suite à la catastrophe de BP là, dans le golfe du Mexique. Ouais. Et là, ça fait 4 ans que la grogne s'organise, puis il ne faut pas lâcher. Ça, en fait, c'est juste le début. Là, l'oléoduc n'est pas construit sur le territoire québécois présentement, puis il faut en empêcher ça. Avant qu'il arrive. Ouais, parce que... je ne me rappelle plus qui a dit ça récemment, mais si on leur laisse mettre la hose dans notre Saint-Laurent, ça va être pas mal plus difficile de faire un pays par la suite. Je pense que c'est Patrick Herbourgeois. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est ça, hein. Tu sais, on dit, mettons qu'on veut être indépendant. Là, on a comme, je vois ça comme un gros zipper qui essaye de zipper d'ouest en est. Là. Après ça, ça va être tough. Là, ils voudront plus nous laisser partir. Là. Puis, moi, ce que j'en reviens pas, là, c'est que vraiment, tu sais, pour faire un lien avec l'indépendance. C'est pas dans nos valeurs, cette histoire-là, là, de faire venir du pétrole sale, du pétrole sort bitumineux. L'avenir est ailleurs. Puis surtout, on a tellement les ressources ici, là, on est en surplus énergétique. On n'en veut pas. Bon, puis tu sais, il n'y a pas juste, comment je peux dire, il faut s'éloigner de ces énergies-là. On veut pas, mettons, les mines d'uranium, le nucléaire, on vient de s'en débarrasser. Comme tu as dit, les super pétroliers vont passer sur le Saint-Laurent, c'est un autre. Mais déjà, moi, je reste en face du fleuve. Là. C'est hallucinant le nombre de bateaux qui passent depuis. C'est con, mais Couillard, il avait dit qu'il voulait remettre l'autoroute du Saint-Laurent en marche. Là. Mm. Ben, c'est hallucinant. Il y a des bateaux non-stop, 3-4 qui suivent. Avant, t'en voyais passer un dans la journée, deux dans la journée. Là, c'est comme t'en vois non-stop passer, sérieux. Ça, c'est sûr, c'est l'érosion aussi, là, sur le bord des berges. Là, mm-hmm. ça, c'est... Le lac Saint-Pierre, c'est un filtreur là, qui ramasse toute la marde de toute l'Amérique, à peu près. Et c'est en tout cas, je sais pas, c'est tout le temps super positif quand tu viens me voir, Jeff, le lundi. Mais on peut s'en sortir un peu avec ça, parce que c'est lancé comme pour l'UNESCO. Oui, l'UNESCO, exact. Le lac Saint-Pierre, il faut vraiment pas aller jouer là. Surtout qu'ils amènent dans leur cale des espèces. Bon, ça vient pas d'ici, tu sais, ces gros pétroliers là souvent. Fait oui, ils ont des espèces envahissantes dans d'autres pays, là, exactement. Ça, Là, tu demandais qu'est-ce qu'on va faire. Oui. Dominique ramène souvent l'idée des partis fédéraux, dans le fond. Qui défend vraiment les intérêts du Québec? Est-ce que c'est vraiment le NPD? En tout cas, c'est pas les conservateurs déjà dans ça, dans c'est sûr. On a vu l'autre fois ce que Justin disait, que lui, justement, les belles montagnes, nos belles rocheuses, puis les forêts, puis le BC, c'était bien beau. Fallait les protéger. Ouais. Nous autres, c'était pas grave. Je sais pas qui qu'on va voter. On faudrait être indépendant. Dominique, ben, gars. Moi, c'est sûr, j'ai un parti pris, calique. Là, moi, je veux l'indépendance au plus sacré. Mm-hmm. Mais j'ai posé la question à Martin Poirier l'autre fois quand il venait en conférence là, au Cégep. Que c'est bien beau, tu sais, entrer, signer des pétitions, entrer dans des groupes comme je vous ai parlé. Ça, c'est important aussi d'encourager ça. C'est la population représentée par ça, fait de la grosse pression. C'est multinational, c'est gouvernement. Mm-hmm. Les manifs, tout ça, mais là, le sujet qui en vient, c'est les élections fédérales. Ouais. Donc, si on veut protéger notre environnement au Québec, c'est ça. Martin Poirier nous a fait un peu le topo. Bon, le NPD, ils vont, mettons, des manifs, mais là, s'il y a une entrevue, OK, pas trop de pancartes en arrière, il faut pas trop que je passe pour ça. C'est, dans le fond, ils disent oui au Canada, mais non au Québec. Exact. Pour le sort bitumineux. C'est à deux. Ça ressemble beaucoup au NPD, là, moi, je trouve. Mais il faut se rappeler que le chef Mulcair, c'est un ancien libéral. Là. Fait que moi, je ne trosse pas ça. Bon, les libéraux, tu viens d'en parler. Conservateurs, on n'a pas besoin d'expliquer un peu si t'as autres le projet. C'est la promotion du pétrole mur à mur. Là. Ils vivent que pour ça. Puis, tu sais, au pire, c'est correct pour eux autres. Mais incluez-nous pas là-dedans. Oui, exactement. Tu peux faire ce que tu veux où tu veux. Mais impose-nous-le pas, c'est ça. Mm-hmm. Puis, bon, le Parti vert, que je n'avais pas trop pensé, il a dit que, dans le fond, ils brillent par leur absence là, depuis le temps. Je sais pas ce qu'ils font. Bon. Fait que le seul, dans le fond, qui s'est clairement opposé, c'est le Bloc québécois. Je veux dire, pour les élections qui s'en viennent, le choix est facile. Tu te dis, ben, c'est ça, si l'environnement, ça te tient à cœur, bon, puis les intérêts des Québécois, hein, je trouve qu'ils sont bien partis, en tout cas, puis c'est les seuls, jusqu'à maintenant. Mais pour tout de suite, il n'y a pas une grosse équipe. Non, mais. Avec le Bloc. Non, mais. Je fais mon avocat du diable un peu, je veux juste. Moi, je veux juste le mieux, mais c'est juste que je veux voir où sont nos chances, justement. Faut quand même dire que le Bloc québécois a 20 000 membres, présentement, et dont 2500 dans l'aile jeunesse. Et en fait, c'est la plus grande aile jeunesse d'un parti au fédéral. OK. Le Bloc québécois, c'est l'aile jeunesse la plus active. T'es encouragé, ça, là? Puis, du côté environnemental, il y a quand même beaucoup de dossiers à surveiller. Comme Dominique parlait de la conférence de Martin Poirier, il nous a nommé 10 enjeux à surveiller seulement au Québec. Okay. Je vais vous les énumérer rapidement. À Montréal, il y a la ligne Enbridge 9, le port de Gros-Cacouna avec TransCanada, qu'on entend le plus souvent parler. Il y a Sorel-Tracy versus la compagnie Kildare aussi, là, qui est assez louche. Il y a un mouvement citoyen qui s'appelle Alerte Pétrole Rive-Sud. Le quatrième, c'est Belle Dune dans la baie des Chaleurs. Et avec le Nouveau-Brunswick, là, on appelle ça le projet Bombe sur rail. OK. Cinquièmement, il y a... Ça, c'est du transport par train, genre? Ouais. OK. Cinquièmement, la cimenterie Port-Daniel aussi, qui est, selon plusieurs, le projet le plus polluant là, de l'histoire. Là, C'est pire que de faire brûler du charbon. Puis c'est 500 millions de fonds publics. Là. C'est vraiment c'est quoi, pas chaque brillant, job a coûté 2 millions? Genre, chaque job que ça a créé, ben, pourquoi ils n'ont pas donné 2 millions à chaque travailleur et dire reste chez vous, man, t'as 2 millions pour le reste de ta vie. Puis en plus, ils vont utiliser du ciment qui vient de la Corée du Sud. Ben oui, c'est ça. Hey, c'est tout écologique. Des génies. Sixièmement, c'est le gisement Old Harry. Il y a une interdiction permanente dans le Saint-Laurent qui a été faite par Nathalie Normandeau, mais Terre-Neuve essaie de pousser ce dossier-là. Il y a Anticosti, qui a quand même 115 millions de fonds publics qui a été mis là-dedans. Puis je vous invite à voir le documentaire là, de Dominique Champagne sur ce sujet-là. Huitième, Gaspé, avec le projet Aldiman. Neuf, Bécancour, Junex qui fait des forages depuis 2002. Puis le dixième, Restigouche, qui est présentement une poursuite de, contre la ville par une pétrolière, une poursuite de 1,5 million, parce que la ville a interdit à la pétrolière de s'approcher de son eau potable. OK. Et la pétrolière a décidé de la poursuivre. Je vais faire ce que je veux. Et pour l'instant, le gouvernement Couillard a refusé d'appuyer la ville dans ses démarches judiciaires. En Gaspésie, hein, ça a tout été ça. Ouais, on s'en fout. Ouais, les régions éloignées, là. Ouais. En tout cas, c'est le bonheur. Peur, hein? C'est le bonheur. Ouais. C'est comme ça à chaque fois. Ben, si tu veux, peut-être quelques nouvelles, bonnes nouvelles de la semaine. Oui, oui, donne-nous en donc une ou deux. Disons que dimanche, en fin de semaine, le 9 novembre, c'est le référendum symbolique de la Catalogne à surveiller. C'est pas mal le seul dossier à l'international là, que je peux souligner. Sinon, à l'interne, au Québec, finalement, Pierre-Carl Péladeau n'est pas obligé de vendre ses actions là, ou les mettre en fiducie. Là. En fait, en selon tutelle, le commissaire à l'éthique, il est parfaitement légal. Donc, on lui cesse de lui chier sa tête puis qu'on laisse faire sa job de député parce qu'il fait quand même un excellent travail. Mais il y a d'autres nouvelles qui sont malheureusement des mauvaises nouvelles. Et je pense, par exemple, au pont Champlain. Oui. Gilles Duceppe a plutôt dit que c'est le pont Victoria qu'on devrait renommer pont Maurice Richard. Parce que oui, c'est un excellent symbole. Mais Champlain ne devrait pas disparaître de notre imaginaire collectif. Okay. Parce que Champlain est un explorateur, pas juste du Québec, mais du Canada et des États-Unis. C'était aussi un cartographe de talent. On lui doit la première carte du Québec. Il a traversé l'Atlantique au moins 30 fois. C'est un anthropologue. Il avait un esprit ouvert à l'égard des Amérindiens. Bref, c'est une figure là, historique très importante. Ben oui, très importante. Et on voit encore une fois que le gouvernement fédéral veut juste piller notre mémoire notre collective. Histoire, ouais, puis c'est ça, nous réduire à l'ignorance. Mais tu viens de le dire, par exemple, mais c'est ridicule parce que ça c'est l'Amérique au complet. Là, je veux dire, il n'a pas juste découvert le Québec. Là, Champlain s'est promené partout dans l'Amérique. Là, c'est eux-mêmes qui ils se nuient à eux-mêmes. Là, ils n'ont pas ben besoin de mémoire, eux autres, par exemple. Les autres, des vrais poissons rouges. Ils regardent seulement dans leur compte de banque, eux. Ouais. Je pense que c'est la seule place qu'ils veulent avoir des infos. Est-ce quelque chose à ajouter là-dessus, Dominique? Ben, c'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, ce qui est important aussi à dire, là, on a parlé un peu Beluga, ça va passer ici, au-dessus de 961 cours d'eau, le pipeline, là, le maudit oléoduc qui nous fait passer de force. Donc, 600 au Québec, ça va traverser. Puis, c'est surtout au ras de ça que ça fuit parce que c'est là que les soudures, les valves anti-retour, tout ça. Bon. Puis, ça s'en va à Kakuna, comme on l'a dit. Mais le monde, c'est ça, c'est l'argument économique, je veux revenir, le monde, on se voulait dire, ça va amener des jobs, tout ça. Ça amènera pas grand job, là. Ils nous avaient compté des pipes, là, en disant, ça va baisser le prix du pétrole. Non, c'est pas ça. Ça ferait à peu près 100 emplois à long terme pour le Québec. Puis on peut pas mettre ça dans notre char. Tu sais, le monde, des fois, ils savent pas trop c'est quoi. Là. C'est du sable mêlé de la glaise puis du bitume. Fait qu'il faut que ça soit filtré, transformé, raffiné. Ça s'en va un petit peu en Nouveau-Brunswick par train, 250 wagons par jour. On se rappelle pas le lac Mégantic. Et puis, c'est déjà vendu au 74, au moins 74% des intérêts étrangers. Ça va se faire transformer en Ukraine. En Angleterre, en Chine, ça fera pas travailler Québécois. on se fait avoir parce que. Mais non, c'est ça qu'il disait, c'est une centaine, même pas une centaine de jobs. Puis au final, Au final. Une fois que l'oléoduc est construit, ça roule tout seul. Puis c'est pas des ingénieurs de Kakuna parce qu'il y en a pas d'ingénieurs dans la région. Non, c'est, là, c'est du monde qui vont venir d'ailleurs. Là, pour la population locale, c'est vide là, comme engagement là, ou comme prospérité. Ils peuvent faire venir tous leurs ouvriers d'Alberta aussi. Ils ont le droit de faire ça. Mm-hmm. C'est effrayant. Quel beau pays. Si on s'en va, le 29 novembre? Oui, il y a déjà une prochaine manifestation. On va commencer déjà à en parler tout de suite. Dans le fond, suite là, à la manifestation qui a ramassé entre 20 et 50 000 personnes vendredi dernier à Montréal. Le 29 novembre, il va y avoir deux manifestations nationales, une à Québec et une à Montréal, donc deux manifestations simultanées pour refuser l'austérité. Oui. C'est un sujet qui est en train de faire front commun. Vraiment. Les syndicats, les étudiants sont dans la rue, les professeurs, les organisations communautaires. C'est vraiment un sujet qui va faire jaser, surtout que, comme je disais la semaine passée, le pire est à venir pour le budget de mars. Là, ça, fait que si on se mobilise tout de suite, ce qui est en train d'arriver... Ben, c'est pour ça que je veux qu'on en parle là, parce que moi, souvent, je peux pas, puis j'ai tout le temps des trucs, mais là, c'est déjà sur le X, sur le calendrier. Ouais, donc, le 29 novembre, il va sûrement avoir des autobus d'organiser par la GEQTR pour aller appuyer le mouvement social, pour contrer l'austérité, qui est vraiment pas une solution à l'équilibre budgétaire, et qui même rempire finalement, parce que dans le fond, si on coupe en éducation, en santé, puis tout ça, ça va faire des citoyens qui sont moins éduqués, qui vont être moins en santé, plus ignorants, fait que finalement, qui vont coûter pas mal plus cher parce qu'ils vont se rendre à l'hôpital pour une grippe ou parce qu'ils se seront pas nourris convenablement. Plein de petites choses qui font en sorte que l'État va payer pas mal plus au bout de la ligne. Puis c'est pour ça que faut arrêter ça, là. Faut aller chercher de l'argent. Faut pas réduire les services. Faut augmenter les revenus. Fait que, puis c'est pas dans la poche des citoyens qu'il faut aller en chercher, évidemment. Les grandes entreprises et les banques pourraient mettre l'épaule à la roue. Ouais, cordialement. Faire leur participation à l'effort collectif. Là. Tout à fait. Bon. Donc, refusons l'austérité. Ouais. Sur ces bons mots, dans le fond, je vous ai amené une pièce des Charbonniers de l'Enfer qui s'appelle « Hold Up ». Parce qu'avec TransCanada, avec les politiques d'austérité, c'est carrément ça. On prend la population en otage, on nous prend pour des caves, puis on pense qu'on va dire oui, alors que les États-Unis de la Colombie-Britannique ont dit non. Peux-tu me laisser le mot de la fin? Ben, vas-y. Là, on se le cachera pas, le respect de l'environnement, ça va passer par un Québec indépendant. Ouais. Et moi, je voulais rajouter de quoi, parce que d'un coup, que les gens qui nous écoutent vont dire « Ouais, mais là, ils mélangent tout, là, ils mélangent... » Ben, c'est parce que ça a tout rapport, tout ça, là. Ouais. Je veux dire, si on était indépendant, ben, ça se passerait pas de cette façon-là. On aurait un pouvoir de dire non. Ouais, on aurait un pouvoir de dire aux bateaux qui passent sur le fleuve, ben, on va vous taxer parce que vous êtes en train de détruire notre environnement, Pis... Mais on n'a pas ce pouvoir-là parce que les ports, les aéroports, tous les fleuves, le transport, tout appartient au fédéral. C'est un pouvoir constitutionnel. Mais oui, puis comme tu disais, ce pipeline-là, c'est comme un genre de grosse corde pour attacher tout ça ensemble. Le nouveau symbole zip, de l'unité canadienne. C'est beau, pourtant, hein? On les a, les ressources naturelles, hein? L'éolien, géothermie, biomasse, solaire, l'électrification du transport qu'on pourrait se doter, il y en a tellement des ressources. Là. On est à 50%, il faut faire de quoi. Alors, s'ils développaient dans l'innovation au lieu d'aller vers l'ancien temps, tu sais, en tout cas. Donc, les écolos à l'écoute, je vous invite à vous informer davantage et aussi à faire des dialogues avec les partisans indépendantistes. Il y a peut-être des pistes de solutions. Donc, on s'en va écouter Hold Up. Merci, les gars. Merci. Mon père avait laissé ma mère au centre d'achat. Mon père avait laissé ma mère au centre d'achat. John et Lisa s'apprêtent assis sur le sofa. John et Lisa s'apprêtent assis sur le sofa. Hey, hold up en première page. Ça y a sauté dans le visage. Puis est sorti pour checker ça. Après avoir laissé ma mère au centre d'achat. Après avoir laissé ma mère au centre d'achat. Mon père était parti pour s'acheter du tabac. Mon père était parti pour s'acheter du tabac. En sortant de la tabagie, il a entendu deux coups de fusil. Puis s'est demandé ce qui se passait là. Ma mère debout sur le comptoir, avec un gun entre les mâchoires, qui faisait peur aux employés du magasin d'antiquité. Mon père rentre dans le magasin, suivi de John et puis de ses copains. Ma mère le tire à bout portant, avec son gun noir chargé à blanc. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d

Ben, c'est le but, oui. C'est le but. Ouais. Ah, ouais, surtout toi, il n'y a pas de problème. Tu t'offres jamais jusqu'à Noël, c'est impossible. Les gaz vont durer jusqu'à Pâques. Est-ce qu'on te retrouve, question à Anodine comme ça, à la télé en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose? Télé, ouais. Avec Alain Dumas toutes les fins de semaine, le samedi. C'est ça. À Aubaine et compagnie. Exactement. Truc et compagnie, Aubaine et compagnie. Et tout ouais, ça. C'est ça. On est toujours là. C'est pas mal, là. Oui, en ce moment. Ouais. Non, j'ai pas le droit de parler du reste tout de suite. Il y a trop de projets en ce moment. Mais t'es bien occupé avec ton lancement de livre aussi. Là, il y a le lancement de livre, ouais. Puis tout ce que je fais, c'est ça. Ça me. C'est pas mal. Non, le reste. On va se garder une gêne pour la prochaine fois. Ben, c'est ça. Quoi, t'as quoi, 8 entrevues aujourd'hui? Ouais, je pense qu'on en a 40 en 4 jours. Et la préférée d'Éric, c'est évidemment celle-ci jusqu'à la prochaine. Ah ben oui, c'est ça. C'est ça. Écoute, il m'a amené à la porte. Il m'a amené à la porte, en plus. Hey, tu l'as-tu annoncé? Non, je voulais plugger. Il est vraiment hot, là. Écoute, sa femme va peut-être accoucher, puis regarde où ce qu'il est. C'est ça, il est ici, ouais, là. Elle peut accoucher d'une seconde à l'autre, là. Il se donne, là. Ouais. Non, ben oui, c'est sûr. Mais c'est The Photographe. Hein? Oui, ben, plugons le photographe en tant que tel. Est-ce qu'on peut te trouver quelque part, site web, quelque chose? Oui, ericmascotte.com. Okay. Mais on a fait bien des photos ici à Trois-Rivières. On a fait tous les desserts à la cabane à sucre de ses beaux-parents, là. Ouais. Fait que non, c'est le fun parce que ça me prenait juste 15 minutes à aller travailler. Ce qu'on a fait à Saint-Jérôme aussi, des photos. Ouais. Non, on est bien. Non, c'est pas mal le fun. Ouais. Fait qu'on a eu bien du plaisir. T'as aimé ça, hein? T'es un petit peu nostalgique que ça soit fini. Hein? Oui, j'ai pris du poids, comme je disais tantôt. Mais, Moi, ça doit pas être évident. Ça doit pas être évident de se retenir avec autant de belles bouffes. On a vu photo, là, si vous n'allez pas chercher ce livre-là immédiatement, là, vous allez le regretter le restant de vos jours. Vous êtes, je dirais, des has-been losers, si vous n'allez pas chercher ce livre-là. C'est clair que c'est dit. Tenez-vous-le pour dit. Donc, Éric Massicotte, un photographe, merci. Oui. Nicolas Moreau, le cuisinier paresseux, merci. Et vous repassez quand merci à vous. Voulez. Ah, c'est le fun. On va venir à Chaland, nous, on aime ça. Tout le monde en parle. Comment? Non. On va donner à Chaland, là. On aime ça, nous. C'est ce qu'on demande, hein? C'est ce qu'on demande aux gens d'être le plus achalant possible. À date, on fait très bien ça avec certains chroniqueurs. C'est pas vrai. C'est une pile contre des chroniqueurs, mais c'est faux, complètement faux. Donc, Nicolas Moreau, cuisinier paresseux, on va se quitter là-dessus. Merci énormément. Merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Eh bien, je vous invite à aller dire non au sable bitumineux. Non, sable bitumineux jaillit d'une collaboration entre Équiterre et plusieurs regroupements citoyens environnementaux et sociaux unis par une détermination à sensibiliser la population, les gouvernements et les organisations quant aux conséquences néfastes du passage chez nous de l'éoduc Énergie US de Trans-Canada. Alors, rendez-vous sur causio.org. C'est le groupe Non OSB. Sinon, rendez-vous sur la page Facebook du Dîner de con. Les liens sont là. Très, très facile. Ou inscrivez dans Google Non au sable bitumineux Équiterre. Vous allez tomber à la bonne place. C'est très, très, très important. Surtout quand on sait que ça ne nous amènera aucune redevance, aucun job. Ben, même si ça donnerait 100 jobs au bout du compte, c'est rien, là. C'est rien. Il y a d'autres façons. Si on s'en va vers des énergies un peu plus renouvelables, si on s'en va vers des nouvelles technologies, des nouvelles façons de penser, le transport, tout, eh bien, il y a beaucoup plus de jobs rentables et durables qui sont à prévoir dans ces domaines. Sur ce, on continue. On va parler de l'homme qui a tué Ben Laden. Il dira tout. Malgré les menaces du Pentagone, le soldat qui a abattu le chef d'Al-Qaïda se dévoilera à la télévision mardi prochain. Donc, le monde va découvrir l'homme qui a abattu Oussama Ben Laden. Il s'appellerait Robert O'Neill, selon le site sofrep.com. Spécialisé dans la information militaire, ce soldat a quitté dernièrement les forces spéciales américaines. Et c'est donc en qualité de civil qu'il racontera sur la chaîne Fox News le déroulement du raid qui a été mené dans la nuit du 1er au 2 mai 2011 à Abbottabad, au Pakistan. Pakistan. Il décrira notamment les derniers moments du chef terroriste et ce qui s'est passé lorsqu'il a rendu son dernier souffle. C'était cet ex-membre des Navy SEALs, bien sûr les Navy SEALs, c'est la force d'élite de la marine américaine, a-t-il perdu la raison? En agissant de la sorte, il risque en effet une grosse amende, voire même une condamnation pour trahison, à l'instar de son collègue Matthew Bissonnette, cet autre membre du commando qui a écrit un best-seller sous le pseudonyme de Mark Owen. Il a été traîné en justice par le gouvernement américain et pourrait bientôt se retrouver derrière les barreaux. Pour que les choses soient claires, le contre-amiral Brian Losey, chef du commandement des opérations spéciales de la marine, a adressé hier un sévère avertissement à ceux qui violent la tradition du secret de cette force en publiant des mémoires ou en parlant aux médias. Il a critiqué avec véhémence les soldats qui recherchent la célébrité ou la fortune, en révélant des éléments sur des missions secrètes. Ben, moi, je pense que c'est une bonne chose de savoir un peu plus de détails. Mais encore là, est-ce qu'on a besoin de savoir tous les détails de tout? Non, mais moi, je trouve la culture du secret, c'est louche. Toujours louche. Tiens, on va aller se faire ici, tant qu'à être dans les affaires, on va aller dans des affaires criminelles. Ah, c'est un très, très Jean-Yves Godin. C'est un trop gros dossier, on va changer de dossier. Mais si ça vous tente et si on a du temps... Eh bien, vous irez voir ça parce que c'est tellement intéressant. C'est le top 10 des affaires criminelles françaises qui n'ont jamais été résolues. Donc, ça peut être assez intéressant. Mais à la place, je vais vous donner 10 astuces à faire lorsque, une journée après avoir reçu votre paye, ben, vous n'avez plus une scène. Eh bien, je vous propose des petites astuces ici. Première astuce, si vous n'avez plus d'argent le lendemain de votre paye, eh bien, vendre un organe vital sur eBay, un peu radical, mais toujours efficace. Hein? Pour procéder à l'extraction du dit organe, on recommande une certaine dextérité au jeu docteur ou opération, c'est ça? Si vous confondez votre rein avec votre cœur, nous nous dégageons de toute responsabilité. Sinon, vous pouvez toujours faire une vente aux enchères de sous-vêtements sales, hein, mais pas uniquement pour révéler au monde entier la couleur de vos mycoses, mais pour l'art, le vrai, le grand. Créer un événement Facebook, appelle ça « Performance pour la fin d'un monde » et n'oublie pas surtout d'inviter Yoko Ono, hein? « Amour, gloire et beauté garantie ». Non, mais quand même. Toujours, on pourrait faire quoi ici? Retourner vivre dans le frigo de vos parents, hein? Un peu comme quand vous étiez ado, hein? Vous alliez du lit à la télé, de la télé au frigo et puis du lit au lit. Moi, mon garçon, c'est exactement sa vie. Hein? Elle se résume à... Il rentre dans la maison, s'en va dans sa chambre. Après, il va voir dans le frigo. Il retourne dans sa chambre. Il mange dans sa chambre. Il retourne dans le frigo. Il reste dans sa chambre, il dort dans sa chambre, il se lève puis il ressort par la porte. C'est vraiment ça que je vis avec mon gars depuis quelques mois. Se faire passer... Ah, vous pourriez faire un cap voyance et chiromassie, donc puis déposer des annonces dans des boîtes aux lettres de vos voisins. Hein. Faites, dans le fond, un cap, c'est aller étudier la chiromassie et la voyance. Soyons honnêtes, ça vous amènera plus loin que votre bac en com. Option ethnomusicologie ou votre bac en philo. Hein? Mais non, je niaise. Retour d'affection et puissance sexuelle sont garantis. OK. Sinon, créer une fausse association... Oui, ça, c'est hot. Créer une fausse association de défense d'un truc. Hein? De préférence, quelque chose qui est mignon parce que si tu lances une souscription nationale pour défendre, je sais pas moi, Stephen Harper, ça va être difficile. Hein? T'auras pas de quoi te payer, rien de toute façon. Autre solution, si vous avez plus d'argent une journée après votre paye, eh bien, c'est peut-être de manger des insectes, hein, si t'es un étudiant ou autre. Eh bien, ça peut être intéressant de manger des insectes, ça coûte pas cher. Tu peux même être utile en mangeant des insectes, tu peux devenir exterminateur. Si tu manges tous les insectes que contient ta cuisine, tu auras une dose de protéines pour le mois, hein, parce que si t'es un ado, on sait que ta cuisine est dégueu. En plus des insectes, ben, faut pas t'oublier, par exemple, de manger tes 5 fruits et légumes par jour. Mais ça coûte cher. Mais donc, mange donc des insectes. Autre façon de peut-être réussir à subvenir à vos besoins, si vous avez plus d'argent le lendemain de votre paye, essayez-vous à un jeu télévisé, mais pas n'importe lequel, là, hein? Pas n'importe lequel. Ceux que tu as une chance de peut-être gagner. Pas question pour un champion ou genre de jeu télévisé où ce que tu repars avec un dictionnaire. Là. Ça te servira pas souvent si tu as faim. Mais bon, moi, je me dis, essaye-toi. Peut-être l'idéal, moi, je penserais, souper presque parfait, genre, en plus d'avoir des repas sur le bras, ben, t'as une chance de gagner 2000$ à la fin de la semaine. On sait jamais. Peut-être lâcher la sextape sur le net et devenir une célébrité mondiale, hein? Ah, ben oui, tu lâches ta sextape sur le net puis tu deviens une célébrité mondiale. L'ennui, c'est que si ta famille et tes collègues tombent aussi dessus, tu n'auras plus qu'à filer élever des chèvres dans le fond de Matane. Hein? Parfait. Et, en 11e, un autre truc, c'est peut-être faire une sextape, mais cette fois-ci avec un politicien ou un banquier, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ça pourrait être une bonne façon. Tu menaces ensuite de la mettre sur YouTube si tu ne donnes pas un certain montant d'argent ou autre. Donc, ce sont des façons assez simples pour vous si vous avez de la difficulté à joindre les deux bouts. Ben oui, c'est ça. Tiens, ici, on va se faire une autre petite avant de retourner avec un top. Un homme roule sur un glacier avec un vélo à roues de glace. OK, Colin Furze grimpe rapidement les échelons au palmarès des cinglés les plus divertissants sur Internet. Et là, il dit « Mes collègues et moi, nous avons déjà présenté quelques-unes de ses créations délirantes, dont une machine à flatulence géante, un costume qui lui a permis de se transformer en feu d'artifice. » Mais cette fois-ci, il récidive avec une bicyclette dont les roues sont faites de glace qu'il teste dans une côte, sur une patinoire et même au sommet d'un glacier. On peut tout de suite se demander, mais comment est-ce que ça roule un vélo avec des roues sur glace? Après tout, de la glace, c'est pas terrible pour assurer la friction nécessaire à la propulsion d'un véhicule. On pourrait s'attendre à ce que l'expérience tourne au fiasco assez rapidement. Voyons comment Furze a testé cette hypothèse. Les manufacturiers de pneus n'ont pas à s'inquiéter, hein. On dirait que les roues glacées pour monter ou descendre des côtes, c'est effectivement pas l'idée du siècle, surtout s'il y a un passage à niveau au bas de la côte en question ou qu'on est pourchassé par un carcajou ou un ours enragé et qu'on a besoin de fuir à toute vitesse. Il faut quand même avouer que les roues en jus d'orange surgelées pour être pratiques pour refaire le plein d'énergie après une montée épuisante. Ah, comme c'est drôle ce petit brin d'humour. Et là, on va entrer dans un gros dossier avant de poursuivre en musique avec Lady Tron. On va aller faire ici ce top 10 des films d'horreur maudits. En ce mois des morts, c'est tout désigné. Donc, le cinéma d'horreur serait-il susceptible aux manifestations paranormales et aux mauvais sorts aux mauvais sorts que le reste des productions cinématographiques? On pourrait être tenté de le croire avec ces longs métrages considérés hantés ou maudits. Je vous les donne en mille, les 10 films les plus maudits, donc les films d'horreur qui font peur, mais pour vrai. Hein? Pas juste dans l'histoire, même l'équipe de tournage a eu peur. Donc, on commence avec le film The Conjuring. The Conjuring relate les tourments surnaturels qu'ont vécu les Perron lors d'une visite des membres de la famille sur le plateau. Un curieux vent s'est mis à tourbillonner autour d'eux, n'affectant pas les feuilles des arbres à proximité. Au même moment, Caroline, la mère demeurée à Atlanta, a senti une présence maléfique avant de s'évanouir, prise d'un malaise qui a nécessité son hospitalisation. Quand même. Sinon, deuxième film qui nous fout les jetons, eh bien, c'est Ghost of Goodnight Lane. Tourné dans le vrai studio de cinéma hanté dont il raconte l'histoire, Ghost of Goodnight Lane n'a pas eu besoin d'effets spéciaux pour certains phénomènes observés sur son plateau. En plus de matériel tombant du plafond à répétition et sans raison, Billy Zane rapporte avoir entendu une voix d'outre-tombe prononcer son nom. Une autre personne de l'équipe affirme même avoir été giflée par une main invisible. OK. Troisième film, moi, c'est un des films qui m'a vraiment marqué dans ma jeunesse. Et puis, j'écoutais ça quand j'étais jeune. À cette heure, je me demande comment ça fait que j'écoutais ça quand j'étais jeune. J'aimais les films d'horreur quand j'étais jeune. Et puis, c'était la mode, les films d'horreur, quand on était jeune. Maintenant, moi, les gens autour de moi n'aiment pas vraiment les films d'horreur. Ma copine a une peur des films. Elle n'aime pas ça. Beaucoup de monde me disent qu'ils ne sont pas capables des films d'horreur. Puis moi-même, c'est rendu que je trouve ça un peu ridicule. Mais je vous parle du film The Omen. Ça, c'est un film à tabarouette. C'était Damien, hein, Damien l'enfant du mal, je pense en français. Plusieurs personnes ayant travaillé sur The Omen sont décédées peu de temps après, dans des circonstances bizarres, dont un dompteur dévoré par un lion ou le coordonnateur des cascades qui a été décapité de la même façon qu'un personnage du film. Le réalisateur du remake de 2006 a été affligé aussi par un mystérieux problème technique qui lui a fait perdre 2 jours de pellicule alors que sa caméra affichait toujours le message d'erreur 666. Imaginez, c'est quand même assez particulier tout ça. Sinon, autre film maudit, The Exorcism of Emily Rose. Donc, l'exorcisme d'Emily Rose qui est basé sur l'histoire d'Agnès Michel, une jeune femme possédée morte des suites d'un exorcisme en 1976. Pendant le tournage du film, la radio de l'actrice Jennifer Carpenter s'est allumée d'elle-même à quelques reprises au beau milieu de la nuit, la réveillant à chaque fois avec la chanson Alive de Pearl Jam et ses lugubres paroles I am still alive. Eh bien oui. Sinon, autre film maudit, The Possession. Jeffrey Dean Morgan s'est dit troublé par des vents sinistres dans des pièces pourtant fermées et l'explosion de nombreuses ampoules lors du tournage du film The Possession. Un incendie dont la cause n'a jamais été déterminée a aussi éclaté dans l'entrepôt contenant les accessoires, détruisant la réplique du D-Book, la boîte recouverte de caractères hébreux censée contenir elle-même l'esprit d'un démon. Hein? Autre film qui m'a marqué quand j'étais jeune, mais vraiment, puis là, je parle pas du remake, mais le vrai Amityville, la maison de l'horreur. Quelques semaines avant le début du remake de Amityville Horror, le cadavre d'un pêcheur s'est échoué sur la grève près du plateau. Plus inquiétant encore, les membres de l'équipe ont confié s'être réveillés à 3h15 du matin, plusieurs fois durant le tournage, l'heure précise à laquelle Ronald DeFeo Jr. a tué les 6 membres de sa famille dans la tristement célèbre maison du 112 Ocean Avenue. Hein? On va se rendre là-bas. On va se rendre là-bas. Sinon, The Innkeeper. On est toujours dans un top des films maudits. Construite en 1891, le Yankee Peddler Inn au Connecticut a la réputation d'être hanté depuis de nombreuses années. Ce qui a convaincu Ty West d'y filmer The Innkeeper. De nature sceptique, le réalisateur avoue ne pas avoir d'explication pour les téléviseurs qu'il a vu s'allumer d'eux-mêmes, les lumières vacillantes ou les portes de chambre qui claquaient toutes seules durant le tournage à l'hôtel. Mais on se pose toujours la question, est-ce que c'est du monde, des membres de l'équipe qui faisaient des niaiseries? C'est à se poser des questions. Bien sûr, hein, on ne pouvait pas passer sous silence le film The Exorcist. Il y a eu tellement d'incidents étranges et de mortalités sur le tournage du film de William Friedkin que ce dernier a demandé au révérend Thomas Birmingham, de performer un véritable exorcisme sur le plateau afin de rassurer les comédiens. Le curé s'est contenté de bénir les lieux, ce qui n'a pas empêché un incendie inexpliqué de prendre naissance dans la chambre de Reagan et de détruire la majeure partie des décors. Sinon, en 9e position des films maudits, eh bien, c'est le célèbre Poltergeist. Ben oui, en commettant le sacrilège d'utiliser de véritables squelettes humains lors du tournage, Poltergeist se serait attiré l'une des pires malédictions de l'histoire du cinéma, se traduisant par 9 décès survenus durant la trilogie dont Will Sampton, acteur et chaman, ayant tenté d'exorciser les os sur le plateau. La jeune Heather Rook, morte avant la fin de Poltergeist 3 à l'âge de 12 ans, et l'actrice qui jouait sa sœur, Dominic Dunn, étranglé par son amant en novembre 1982. Je pense qu'on est fiers de ne pas avoir joué dans Poltergeist. Et finalement, dans le top 10 des films maudits, eh bien, le bébé de Rosemary, Rosemary's Baby. Plusieurs voient des similitudes troublantes entre l'héroïne de Rosemary's Baby et l'épouse du réalisateur Roman Polanski, sauvagement tuée par la famille Manson alors qu'elle était enceinte. Dans un meurtre rituel inspiré par la chanson Helter Skelter des Beatles, c'est en entrant au Dakota, un hôtel de Manhattan, où la majorité du film a été tournée, que John Lennon sera abattu quelques années plus tard. Simple coïncidence ou signe d'une malédiction? C'était le top des films maudits dans l'histoire. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Hey, ouais, salut, la chronique... The Master Chef. Non, j'ai des frissons. Moi, je viens de voir le bacon. Spoiler, hein? Ben oui, je suis de même. Mais t'aurais pu juste fermer ta gueule. C'est un ingrédient parmi tant d'autres. Ben, pas vraiment, non. Un des principaux?

On commence avec ces histoires insolites sur la mort. Première histoire, eh bien, on va commencer par la dixième, hein, pour remonter. Eh bien, dixième histoire, amené vivant à la morgue, un Russe y meurt de froid. C'est ce qu'on appelle manquer de chance. Considéré comme décédé par erreur, un Russe est mort d'hypothermie dans la chambre froide où il avait été amené. Mais il n'était pas mort à la base. Neuvième de ces histoires, eh bien, marié depuis 65 ans, il meurt à 9 heures d'intervalle. Frank et Eleanor Turner, étaient unis par le mariage depuis 65 ans. Mais la mort ne les a pas longtemps séparés puisqu'ils sont décédés à 9 heures d'intervalle. Une histoire assez bouleversante, mais en même temps, je trouve que c'est émotif, c'est cute, même si c'est une histoire de mort. Pardon. C'est signe que ces deux êtres humains-là étaient intrinsèquement liés, hein? Huitième histoire par rapport à la mort. Il feint sa mort pour ne pas se marier. Sur le point de se marier, un Américain de 23 ans a feint sa mort auprès de sa fiancée car il ne savait pas comment la quitter. Maintenant, il y a des façons plus simples, hein? Ici, un homme découvre un mort dans sa propre tombe. Certains préparent avec soin leur avenir de défunt, notamment en faisant l'acquisition d'une concession funéraire. En ça, encore faut-il que le caveau ne soit pas squatté par quelqu'un d'autre, hein? Bonne idée. Sinon, sixième ici, histoire insolite par rapport à la mort. Un chien inconsolable sur le cercueil de son maître. Oui, je me rappelle cette année d'avoir parlé de cette nouvelle. C'est la fidélité des chiens à l'égard de leur maître prend parfois une tournure bouleversante comme le chien Figo, littéralement brisé par le décès de son patron. Il était toujours sur la tombe, le cercueil de son maître. Cinquième histoire, on monte comme ça, dispersé dans un bouquet final. L'enterrement d'antan. Attends un petit peu, là, j'ai l'ordi vient de chier. Donc l'enterrement d'antan, 6 pieds sous terre, a de moins en moins la cote auprès des futurs défunts. Certains imaginent des innovations surprenantes pour partir en beauté. OK, dispersé dans un bouquet final. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le sais pas. Peut-être que c'est. Ah, OK, c'est des funérailles. Les cendres sont dispersées par un feu d'artifice. Hein? Vraiment très particulier. C'est ça, au moins c'est le fun. On a un article qui nous ramène à la bonne patente. Ici, 6 jours après son décès, la morte a une petite faim. Le décès avait été constaté 6 jours avant et la famille attendait les funérailles. Mais la morte n'était pas tout à fait morte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, Li Jiufen était déclarée morte depuis 6 jours lorsque ses proches l'ont retrouvée dans sa cuisine en train de se faire à manger. Hein? Quand même. Donc, la dame nous dit, il y a quelques jours, les voisins de Mme Jiufen la retrouvent inerte, blessée à la tête suite à une mauvaise chute. Constatant qu'elle est décédée, ils entreprennent de préparer toutes les cérémonies en vigueur en Chine, dans la province de Guangxi, où la dame était originaire. Durant 6 jours, ses proches se succèdent pour la veillée mortuaire et rendent une dernière fois hommage à Mme Jiufen, dont le cercueil a été installé dans sa maison. Un jour, des villageois et des proches venus rendre visite à la vieille dame ne la trouve pas dans son cercueil. Ils l'ont retrouvée dans sa cuisine, occupée à se préparer à manger. Elle aurait déclaré au Daily Mail « J'ai dormi très longtemps, j'avais bien faim. J'ai poussé le couvercle du cercueil très longtemps avant de réussir à pouvoir en sortir. » Les médecins ont conclu que Xiling Xiufen avait été victime d'une mort artificielle. Elle a échappé de très peu à une mort par inhumation. En revanche, ce petit somme de 6 jours lui a fait perdre tous ses biens brûlés à l'annonce de sa mort. Peut-être vérifier comme il faut, hein, la mort des gens. Assez particulier. La pierre tombale de Bob l'éponge d'un vétéran d'Irak. La femme soldat dans l'armée de l'US des États-Unis et vétéran en Irak était fan de Bob l'éponge. À son décès, la forme de sa pierre tombale a posé quelques problèmes. Ça l'a dérangé, hein? Ben oui. La défunte ressuscite pendant ses funérailles. En pleine cérémonie funéraire, la centenaire que l'on croyait bien morte n'était pas si morte que ça. Sa résurrection a donné lieu à une bien grande fête. Et puis tout le monde était déjà arrivé. Tout le monde était déjà checké. Le repas était déjà payé. À quoi on va en profiter? Sinon, ici, elle conserve son fils momifié dans de la vodka. C'est en Géorgie, une maman a conservé pieusement le corps de son fils décédé il y a maintenant 18 ans. Avec des méthodes assez spéciales. Je vais aller voir est-ce qu'il nous en donne un peu plus. Ça n'a pas de bon sens. Si je vous en donne... OK, il dit... Depuis, ça va à peine, on regarde ça. C'est lors du décès de Yuri, sa famille résidant non loin de Xoukdidi, une commune géorgienne située près de la rivière, la mer Noire avait refusé de l'enterrer, privilégiant l'embaumement. Objectif que le fils du défunt, alors âgé de 2 ans, puisse connaître son papa. Le corps a donc été placé dans un cercueil équipé d'un couvercle amovible, lui-même placé dans un caveau dépourvu de pierres tombales. Dans un premier temps, les méthodes traditionnelles de la momification ont été employées pour mettre en œuvre ce dessin atypique de bombes spéciales. Les bombes spécifiques ont été appliquées sur la dépouille, le tout accompagné d'incantations et de prières. C'est ce qu'on apprend dans un reportage qui a été réalisé par la télévision géorgienne. Mais voici quelques années, sur le conseil de proches, la maman de Yuri a décidé de changer de méthode. En effet, lors d'un sondage, une voix lui aurait suggéré de frotter le corps de son fils avec de l'alcool afin de lui éviter une irrémédiable dégradation. Depuis, elle applique quotidiennement des linges imbibés de vodka sur le macabé. Cette méthode est particulièrement exigeante et implique une attention permanente. Si on laisse le corps sans linge imbibé durant la nuit, il devient tout noir comme du charbon, a expliqué Tsuri au reporter. Récemment, comme elle avait omis pendant quelques jours d'imbiber de vodka la peau de la momie, celle-ci a commencé à s'obscurcir significativement. Heureusement, quelques applications supplémentaires d'alcool l'ont vite reblanchi. Mais le poids des ans se fait sentir et l'entretien quotidien de la momie devient de plus en plus éprouvant. Alors que pendant 10 ans, elle avait changé les habits de son fils. À chacun de ses anniversaires, elle a pu mettre fin à ce rituel épuisant. Quant au fils de Yuri, désormais âgé de 20 ans, il vit plutôt sereinement, malgré les étranges pratiques de sa grand-mère. Allez voir ça, c'est vraiment, vraiment weird. En tout cas. Sinon, ici, on va rester dans le domaine de l'Halloween, même si c'est terminé, mais c'était ça. Hein? Et je vous parle d'une dame qui a mis un corset pendant 7 ans. Le tour de taille, donc, de Kelly Lee Dickey se réduit à 40 cm. À peine 40 cm, donc, de tour de taille et des mensurations affolantes. Cette Américaine, Kelly Lee Dickey, a tous les atouts de Jessica Rabbit. Mais c'est pas beau! Oh, que c'est pas beau! Après 7 ans, à porter un corset nuit et jour, cette figure de la scène fétichiste new-yorkaise et étudiante en mode estime enfin avoir atteint une silhouette digne des cartoons et des super-héroïnes qui la faisaient rêver durant son enfance. Mais c'est tellement laid, elle doit avoir le corps, elle a plus d'intestin, elle a plus de foie, elle a plus de rien. Elle dit « Je voulais devenir ma propre héroïne. » Même si sur BuzzFeed, elle reconnaît que son point de vue est celui d'une fétichiste, je n'aime rien tant que la sensation des lacets quand on resserre un corset. Elle aime ça être serrée dans son corset. Elle dit « Quand j'ai essayé mon premier à 18 ans, je souriais de toutes mes dents, se souvient-elle ?» C'est atroce. Si elle n'a pas consulté un médecin à ses débuts, elle s'est lancée dans l'aventure en étant supervisée par un autre fétichiste adepte des corsets. Elle dit « Mon dernier examen médical est impeccable », insiste-t-elle auprès du Cosmopolitan. « Je suis en parfaite santé. » Kelly reconnaît toutefois que le corset peut être handicapant pour effectuer certaines tâches, comme pour monter les escaliers ou soulever des poids importants. « C'est pas pratique de monter des escaliers. C'est pas pratique. Ça sert à rien, ça, dans la journée. Hein? » Elle dit « Mais elle raconte avoir déjà fait un peu de sport ou même de la randonnée avec son corset. » C'est un monstre, cette dame. Des déclarations qui étonnent de nombreuses personnes sur Internet. Bien sûr que ce n'est pas pour tout le monde, se justifie la dame. Mais c'est mon corps et c'est ma décision, ça c'est sûr. Elle dit « J'ai commencé à porter des corsets à lacets très serrés pour moi. J'aime modifier mon corps. Quand j'étais petite, j'étais un vrai garçon manqué et j'étais très timide. Plus maintenant, martèle-t-elle sur Cosmopolitan. » Et de conclure, j'ai tout simplement décidé de faire ce qui me rendait heureuse. Ben, bravo à toi! Et tiens, on va se faire un petit top ici. C'est 7 images qui nous parlent des obsessions de la minceur et de la beauté. En ce moment, hein, on le sait, les fesses bombées sont vraiment très à la mode. Hein, et d'où ça vient? Eh bien, c'est du Brésil, au pays des pays au sud du Sahara. Selon Jeune Afrique, mais aussi des canons de beauté grecs de l'Antiquité, comme la Vénus, Callipyge. Hein, Callipyge, ça veut dire « belle fesse ». Donc, la Vénus aux belles fesses. Au Brésil, c'est le culte des fesses qui est omniprésent. Une élection est même organisée tous les ans pour désigner la plus belle paire de fesses du pays. Est-ce que tout le monde peut en avoir? Oui et non. Fesses plates ou trop volumineuses, fesses qui tombent, fessiers trop larges. Peu de femmes ont des fesses de rêve, du moins dans leur tête. 2 solutions, le sport et à haute dose, là, vraiment, vraiment beaucoup. surtout si on veut ressembler aux femmes de la célèbre marque Victoria's Secret, ou plus définitif, la chirurgie esthétique. Le modèle mannequin brésilienne Gisele Bündchen. Une super belle, belle paire de fesses. Sinon, autre obsession, et c'est l'obsession qu'on avait de la dernière dame, eh bien, c'est la taille de guêpe. D'où ça vient? Eh bien, c'est de la mode du corset. Avoir la taille fine coûte à traumatiser des générations de femmes obligées de s'emprisonner dans un corset pour répondre à ce critère de beauté, mais qui met en valeur la largeur de leur ange, qui est le symbole de la fécondité et de la féminité. L'expression taille de guêpe tire son nom de la morphologie de cet insecte dont le corps est segmenté en deux parties par une très, très, très fine jonction. Est-ce que tout le monde peut en avoir? Eh bien, naturellement, les femmes voient à la puberté leur taille s'affiner, certaines plus que d'autres. Certaines femmes somnubilent donc par leur tour de taille, et s'obligent à porter jour et nuit un corset, mais cela tient plus de la performance, comme la dame dont on vient de parler, là, ici, cette américaine. Sinon, l'écart entre les cuisses, le tight gap, d'où ça vient? Eh bien, sur le site de Slate, le psychiatre Christophe Bagot explique que les jeunes filles ont besoin de se rassurer. Après la clavicule apparente, le tight gap leur permet de mesurer visuellement leur perte de poids. La recherche de ce creux entre les jambes, présenté comme esthétique, devient alors le pendant mode de la vérification par balance. Je surveille mon poids et par la taille de jeans et je dois être capable de rentrer dans mon pantalon taille 34. Ainsi, beaucoup de mes patientes m'ont confié avoir besoin de se sentir l'air passé. Ils ont besoin de sentir l'air passé entre leurs jambes. C'est pour elles un gage ultime de minceur. Là, la question, est-ce que tout le monde peut en avoir? Et non. Au tout début de sa puberté, le bassin d'une fille s'élargit légèrement et ses jambes sont encore bien fines, comme une petite fille. C'est là que se forme le tight gap. Debout, les pieds joints, les cuisses ne se touchent toujours pas. En grandissant, certaines personnes conservent ce creux en raison de leur morphologie. L'égérie, eh bien, la présentatrice anglaise Alexa Chung, très maigre, est souvent accusée même d'être anorexique. C'est souvent un signe, ou presque en tout cas, d'anorexie, on pourrait dire ça. Sinon, le ventre plat, d'où ça vient? Eh bien, ça, c'est l'obsession pour le ventre plat, apparaît à la Renaissance, alors qu'un gros ventre est symbole d'opulence au Moyen-Âge. Progressivement, la minceur, c'est-à-dire le contrôle de son alimentation et de son corps, s'impose comme celui d'un critère esthétique. La femme doit avoir un ventre plat, lisse et ferme, solide, explique Pierre Fraser, doctorant en sociologie au Québec, une obsession qui n'a jamais quitté la société depuis. Le ventre plat est devenu symbole du corps d'une femme en bonne santé qui prend soin d'elle-même. Est-ce que tout le monde peut en avoir? A priori, oui, mais c'est difficile de le garder, en particulier après les grossesses, surtout pour les dames et pour les messieurs, après beaucoup de bière. Les abdominaux restent la meilleure solution pour le conserver. La chirurgie esthétique offre aussi des solutions comme la liposuction, mais le sport reste indispensable. On nous dit l'égérie de ces modèles-là, eh bien, seraient Gwen Stefani ou Madonna, qui ont des ventres plats. Sinon, les petits seins, d'où ça vient? Eh bien, ça vient de Coco Chanel, qui décide de créer un nouveau style qui libérera les femmes de ces carcans, aussi bien vestimentaires, qui est le corset, que sociétaux. La silhouette se doit d'être la plus linéaire possible. Certaines garçonnes n'hésitent pas à se bander la poitrine. Dans les années 80, les mannequins stars comme Noemi et Kate sont filiformes. La tendance est allée en s'accentuant sur les podiums. Donc, les modèles qui nous représentent ça, là, ces petits seins-là, eh bien, c'est Kate Moss, Charlotte Gainsbourg ou Vanessa Paradis. C'est beau, les petits seins, quand même. On aime ça. Les gros seins aussi. Et c'est justement sixième obsession. Les gros seins, eh bien, ça vient de où? Ben, des premières représentations de la féminité. Les Vénus préhistoriques sont toujours représentées avec des poitrines très généreuses, symbole de fertilité par excellence. À la fin du 12e siècle et au début du 13e siècle, sous la pression des médecins, des clercs et de la culture de raffinement de la cour, le corps de la femme se normalise dans l'imaginaire collectif. La finesse de la taille et l'ampleur de la poitrine deviennent un modèle de référence en matière de morale et de santé, explique toujours Pierre Fraser sur son blog.

Il y a les blancs d'œufs, hein, saviez-vous que la protéine de l'œuf se retrouve dans le blanc. Ainsi, si vous voulez augmenter la teneur en protéines de votre omelette, au lieu de mettre 3 œufs, par exemple, vous pourriez mettre 1 œuf et 4 blancs ou 2 œufs et 2 blancs, selon votre amour pour le jaune. Celui-ci contient de bons éléments nutritifs comme la biotine et la choline. Entre autres, c'est pourquoi vous ne devez pas nécessairement l'éliminer sous prétexte de vouloir couper dans le gras. Dégustez-les à n'importe quel moment de la journée, en omelette, en sandwich, en quiche. L'œuf est tellement bon. Vraiment, j'adore l'œuf. Saviez-vous que celui-ci contient 2 fois plus de protéines? De qui on parle? Eh bien, c'est le yogourt grec Nature. Il contient 2 fois plus de protéines par portion que son acolyte, qui est le yogourt régulier. Celui-ci est tellement versatile qu'il deviendra difficile d'escamoter les protéines au déjeuner. Avec des fruits ou en céréales, dans des smoothies ou en collation, il vous dépannera plus d'une fois, le yogourt grec Nature. Et vraiment... pas gras et très goûteux, très onctueux, très doux en bouche. Vraiment à découvrir. Si vous ne connaissez pas le yogourt grec nature, yogourt grec de tous les genres de yogourt grec, j'adore. Celui-là ici, non, vous ne m'aurez pas et non, je ne mettrai pas à en manger. Mais je vous le propose, si vous, ça vous tente de manger du carton caoutchouteux, eh bien, je vous propose le tofu, le grand mal-aimé des sources de protéines. Le tofu gagne pourtant à être connu. Combien de fois un client est-il arrivé pour la première fois dans mon bureau en déclarant « De but en blanc, tu ne me feras pas manger du tofu ». Allez-y, osez, vous pouvez en choisir. La consistance est régulier ou soyeux. La texture est ferme, semi-ferme ou mou. Ne vous trompez pas, le régulier sera parfait pour les sauter, tandis que le soyeux mou sera parfait en trempette dans un smoothie ou en yogourt et le soyeux ferme dans une soupe. Avez-vous déjà pensé de le manger en burger? Non, et je ne le mangerai jamais. Sérieusement, c'est des seuls trucs que, pour vrai, vous ne m'aurez pas. Et en plus, il y a plein d'études qui montrent que le soya, s'il n'est pas fermenté, eh bien, c'est mauvais, même néfaste pour la santé. Alors, je vous l'envoie, mais moi, je ne partage pas du tout, du tout. J'ai aucune petite parcelle d'amour envers cet élément qui n'est pas un aliment pour moi. Et sinon, ben là, ça, c'est intéressant. Le poisson blanc, que moi, j'aime bien, j'aime beaucoup mieux les poissons blancs, personnellement, que les poissons à chair rouge, comme le saumon ou la truite. J'aime mieux les petits poissons blancs. Pour moi, c'est plus facile et c'est mieux. Donc, facile à apprêter, les poissons à chair blanche, le pangasius, la sole, le tilapia. Pangasius, par contre, c'est lui qui est vraiment à enlever de nos assiettes, si je me rappelle bien, parce qu'il est vraiment élevé dans des conditions et dans il y a des niveaux de mercure assez hallucinants. Mais là, je suis pas assez sûr, mais vous vous informerez quand même. Peut-être c'est-tu le tilapia ou le pangasius? Peut-être tilapia. Je veux juste aller voir de quoi une seconde. Parce que moi, je suis là pour vous apprendre des choses et en apprendre moi aussi. OK, ben non, c'est juste une recette qu'on a. Donc, tout ça, hein, et même les crustacés, les crevettes, le homard, les crabes, les coquillages comme les pétanques, les palourdes, sont d'excellentes sources de protéines maigres. Dans les pâtes, les salades, les poêlés au four ou grillés, vous vous régalerez donc de poissons blancs et de crustacés. Et là, on nous dit qu'on aurait pu parler aussi du poulet et du fromage, du thon et du gibier, entre autres, mais comme ceux-ci sont les plus connus et les consommés, on a préféré nous montrer d'autres horizons pour vous donner d'autres idées qui sait vous amener à varier davantage votre alimentation. Et vous, quelles sont vos protéines maigres préférées? J'avoue que moi, poulet et fromage, j'adore. Le gibier aussi, je suis complètement vendu. Et là, ça, on l'a-tu fait? L'autre fois, on l'a fait, mais j'avais pas autant d'informations que ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, les tendances alimentaires et santé. Hein? On parle des baies d'açaï, d'acaï ou d'açaï. Il y en a qui le disent différemment. Donc, c'est généralement transformé en poudre dans les yogourts ou dans les smoothies. Les baies d'açaï sont bonnes pour la santé en raison de leur haute teneur en antioxydants. Mais d'autres baies ont les mêmes propriétés. Les bleuets et les framboises ont également une teneur élevée en antioxydants, explique Kerry Gann. Alors, essayez des produits contenant des baies d'açaï si vous le voulez, mais les baies locales, surtout en saison, vous permettront probablement de consommer des antioxydants pour beaucoup moins cher, en plus d'être plus facilement accessibles. Notez également que les allégations selon lesquelles les baies d'açaï aideraient à perdre du poids ne sont pas prouvées scientifiquement. Verdict, les baies d'açaï constituent une bonne source d'antioxydants, mais les autres baies qu'on retrouve dans le commerce également. Alors, cassez-vous pas la tête là, avec les baies d'açaï. Allez-y avec quelque chose qui est de saison et encore mieux local. Sinon, autre tendance pour la santé, hein? c'est le germe d'herbe de blé. Ça, j'ai bien aimé. Moi, pour vrai, c'est très bon, c'est sucré. Si vous avez déjà mis les pieds chez un vendeur de smoothie ou de jus, on vous a peut-être proposé d'ajouter une dose d'herbe de blé à votre boisson. On retrouve généralement l'herbe de blé sous forme de capsule ou sous forme liquide. Moi, c'était sous forme liquide en direct ou même sous forme congelée. C'était un glaçon à manger. Donc, pour pas que ça perde son goût et que ça vienne brun, hein, la chlorophylle est bonne, mais quand elle est verte. On retrouve généralement l'herbe de blé sous forme de capsule liquide, nanana, nanana. Et bien qu'elle soit gorgée de nutriments, de fer, de calcium, de magnésium, de vitamines A, C et E, elle n'apporte pas d'avantages particuliers si on la compare à d'autres légumes. Selon la Dre Gans, ça ne fait aucun mal de consommer une dose d'herbe de blé, mais manger une collation santé aura exactement le même effet, précise-t-elle. Vous pourriez aussi bien mettre une poignée d'épinards ou de kale dans votre smoothie. Moi, je suis parfaitement avec ça, d'accord avec ça. Les tendances pour les tendances, j'aime bien ici vous proposer ce qui est l'équivalent finalement. Donc, manger des petites crudités, ça va être parfait. Verdict, l'herbe de blé est bonne pour la santé, mais d'autres légumes peuvent apporter les mêmes bienfaits. Hein? On en apprend tellement. Les graines de chia. Les graines de chia sont excellentes pour la santé. En fait, une seule cuillère à table contient 5 grammes de fibres et 3 grammes de protéines. Mais ça coûte cher, les graines de chia, par exemple. Elles ne goûtent presque rien, sont donc une excellente façon d'ajouter des nutriments à une salade, à un smoothie ou à un bol de gruau. Nous dit Kerry Gans. Attends un peu, c'est ça? Pourquoi qu'il manque une bout de l'information. Je trouve ça assez poche. C'est comme si la fenêtre ouvre pas complet. Donc, je vais essayer de deviner. Grâce à leur haute teneur en fibres, elles contribuent également au sentiment de satiété. Donc, verdict pour les graines de chia. Consommer des graines de chia est une excellente façon d'ajouter des fibres et des protéines à votre alimentation. Ça, c'est une belle tendance et il n'y a pas vraiment de côté... pas négatif. Les autres, c'est pas négatif, mais il n'y a pas vraiment de succès d'année. Il n'y a pas vraiment de façon de l'échanger. Après les graines de chia, je vous entends des déjà, le quinoa, qui est peut-être considéré comme une céréale ancienne, mais techniquement, c'est une graine. Selon la Dre Gans, le quinoa est un excellent ajout à un régime déjà varié. Le quinoa est riche en protéines. C'est en fait une protéine complète avec 9 acides aminés essentiels et qui contient également des fibres et du fer. Verdict, le quinoa est une très bonne source de protéines. Alors, si vous êtes, malheureusement pour vous, végétarien, garochez-vous dans le quinoa pour ne pas rien manquer. Ah oui, ça, la spiruline. Hein? La spiruline est une algue verte foncée que l'on trouve généralement séchée et en poudre. Elle est très riche, elle aussi, en protéines, ce qui en fait une bonne option pour les végétaliens dont les sources de protéines sont restreintes. Pauvres autres, pauvre faible monde. Dit la docteure Gans, je pense, c'est ça? Une once de spiruline séchée donne environ 15 grammes de protéines, soit environ l'équivalent de celle contenue dans 2 gros œufs. La spiruline contient aussi des bêta-carotènes, un antioxydant et du fer, mais ceux qui consommeraient des produits d'origine animale peuvent trouver ces nutriments dans les aliments meilleurs marchés et beaucoup plus accessibles. Si vous avez une alimentation équilibrée, vous n'avez pas vraiment besoin de courir les boutiques d'aliments naturels pour trouver de la spiruline, explique Kerry Gans. Plutôt que d'ajouter de la spiruline à votre smoothies, vous pouvez y ajouter du lait ou du yogourt pour obtenir plus de protéines. La spiruline est une bonne source de protéines, particulièrement pour les végétaliens, si ce n'est pas votre cas. Beaucoup d'options plus accessibles sont disponibles pour vous et plus peut-être plus ragoûtantes. Hein? Sinon, ah ça, j'adore ça. Moi, j'en mange. Sérieusement, je peux facilement en manger comme ça à la cuillère. Je vous parle de la levure alimentaire. Ben oui, la levure alimentaire, si vous en cherchez, là, c'est rare. Ici, on peut en trouver à peu près uniquement chez Bulk Barn et dans certains magasins d'aliments naturels, mais c'est vraiment pas facile à trouver. La levure alimentaire est souvent enrichie de vitamine B12, une vitamine dont beaucoup de végétaliens manquent. Comme la spiruline, la levure alimentaire est une bonne option dans le cas de végétalisme pour vous autres. Mais une personne qui consomme des produits d'origine animale pourra trouver la vitamine B12 dont il a besoin dans beaucoup d'autres aliments, explique toujours Kerry Gans. En raison de son goût semblable à celui du fromage, certains saupoudrent leur plat au lieu d'y ajouter du fromage. Non, on t'en met aussi. Mais c'est vrai que ça fait un peu parmesan, un peu, on pourrait dire ça comme ça. Et le verdict, c'est que la levure alimentaire est une excellente source de vitamine B12 pour les végétaliens. Et comme on disait, si vous n'êtes pas végétalien, des aliments accessibles à vous se retrouvent vraiment faciles et il ne vous manquera rien. Le fameux germe de blé, qui est riche en fibres et contient des gras monoinsaturés et des protéines. On peut l'ajouter à du gruau ou à de la salade ou encore l'utiliser comme chapelure avec de la viande. Consommer du germe de blé est une autre façon cachée d'ajouter à un plat des nutriments dont la plupart des gens manquent. Verdict, eh bien, le germe de blé est excellent pour ajouter des fibres à un plat. Et puis, c'est bon, le germe de blé. Hein? Le tempeh, on connaît bien. Hein? Le tempeh est semblable au tofu. Les deux étant des produits de soja. Le tempeh, toutefois, fait de germes de soja cuits et qui ont fermenté. C'est ça. Lui, c'est mieux pour la santé. Le tempeh, beaucoup mieux que le tofu. Parce que si le tofu est les graines de soja sont fermentées, ben là tout ce qui était pas bon dans le soja est éliminé par la fermentation. On nous dit que le tempeh est riche en protéines, une portion de 3,5 onces contient 18 grammes, ce qui est comparable au poulet. C'est une bonne option pour les végétariens ou ceux qui voudraient réduire leur consommation de viande, car il peut remplacer la viande dans plusieurs recettes, explique Kerry Gans. Le tempeh donc est une bonne alternative à la viande. Mais pas aussi bonne, ça c'est sûr. Les graines de lin, hein, les graines de lin permettent d'ajouter des nutriments à vos smoothies, à vos céréales, à vos pâtisseries. Elles sont riches en fibres et en acides gras oméga 3 et des protéines comme le chia. Elles ne goûtent pratiquement rien, mais elles doivent être pulvérisées pour être bien digérées. C'est ça parce que sinon la graine, elle va juste passer puis elle sera jamais digérée. Elle va vous nettoyer l'intérieur, mais elle vous donnera pas de protéines ni de fibres. Les graines de lin sont d'excellentes donc pour ajouter des fibres et des protéines et ainsi que des oméga 3 à vos plats, mais n'oubliez pas de les passer au mortier, hein? Ça c'est mon petit conseil. Et le seitan, ben lui je ne le connais pas. C'est quoi le seitan? Eh bien le seitan est fait à base de gluten, la principale protéine du blé, et est souvent utilisé comme alternative à la viande. À la différence du tempeh ou du tofu, le seitan a une texture et un goût semblable à ceux de la viande. Seul le seitan n'a pas beaucoup de saveur, mais gardez à l'esprit que le seitan préparé vendu dans les commerces peut contenir beaucoup de sodium et d'autres ingrédients. Portez également attention à la façon dont vous le cuisinez. C'est du seitan, mais si vous ne le faites frire, ce ne sera... OK, c'est du seitan, oui, mais si vous le faites frire, ce ne sera plus santé, parce que ça ressemble à du poulet. Verdict, le seitan est une bonne alternative aux viandes, mais attention aux ingrédients cachés pour lui donner du goût. On peut comprendre, hein? C'est comme les fameuses VG Dog et toute autre merde du genre. Si tu veux manger de la viande, t'en manges. Mais si tu veux manger un succès d'année de la viande qui ressemble à de la viande, peut-être que tu serais mieux de manger de la viande que manger toutes les autres bébelles qui sont ajoutées dedans pour y donner du goût. On dit ça de même. C'est arrivé un 5 novembre. Bien oui, c'est arrivé un 5 novembre. On rentre dans le segment des éphémérides. Le 5 novembre 2013, la sonde indienne Mars Orbiter Mission, également appelée Magellan, est lancée. Elle entrera dans l'orbite de la planète rouge le 23 septembre 2014. Donc, c'était le lancement de cette sonde indienne. Hein? Sinon, toujours un 5 novembre, cette fois-ci, c'est en 2006, Saddam Hussein est condamné à mort par pendaison pour crime contre l'humanité. L'ancien dirigeant irakien est jugé responsable de l'exécution de plus de 148 chiites, du village de Doujail, au nord de Bagdad, en 1982. Renversé par les troupes américaines en avril 2003, Saddam Hussein s'était enfui avant d'être découvert hirsute dans une cache souterraine dans la nuit du 13 au 14 décembre 2003. Il sera finalement exécuté le 30 décembre 2006. Quand même. Toujours un 5 novembre en 1977 cette fois-ci, et c'est un décès qui nous touche. En tout cas, moi, ça me touche parce que ça l'a vraiment bercé mon enfance, et même encore aujourd'hui, ça berce tous mes ciné-cadeaux. Eh bien oui, je vous parle du décès en 77, le 5 novembre, de René Goscinny, célèbre scénariste de bande dessinée. Il est notamment le père d'Astérix, d'Isnogood et du petit Nicolas. Ici, c'est ça, vous pouvez voir la photo sur la page Facebook du Dîner de cons avec son comparse, le dessinateur Albert Uderzo. Hein? Uderzo et Goscinny, deux grands monstres de la bande dessinée. Sinon, toujours un 5 novembre, parce que là, moi, quand ils me font la date de naissance d'un joueur de football, je m'en fous complètement. 5 novembre 1943, le Vatican est bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré sa neutralité dans le conflit, La cité est visée par une attaque orchestrée par les fascistes italiens. 4 des 5 bombes larguées sur la basilique Saint-Pierre exploseront. Quand même, ça jouait dur. Ben là, on était en pleine guerre mondiale. Toujours un 5 novembre, cette fois-ci, c'est en 1935. Mise en vente de la première édition du Monopoly, jeu de société commercialisé par les frères Parker, hein, les Parker Brothers. Et bien sûr, on le sait, c'est un immense succès. Monopoly qui fonctionne très bien encore aujourd'hui, malgré qu'il doit se réinventer à chaque année avec des nouvelles bébelles là, qui ont un peu dénaturé le Monopoly, mais quand même. Le 5 novembre 1913, naissance de Vivien Leigh, actrice britannique qui est notamment célèbre pour avoir joué dans des films cultes comme « Autant en emporte le vent » ou « Un tramway nommé Désir ». Une femme magnifique. Elle remporte d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice pour ses deux rôles. Donc, elle s'appelle Vivien Leigh. Désolé, je ne la connaissais pas, Viviane, mais je connais les films. Par contre, je ne connaissais pas le nom de cette actrice. Toujours un 5 novembre 1906, la grande Marie Curie devient la première femme professeure à la Sorbonne. La physicienne et chimiste donne son premier cours dans l'amphithéâtre de physique de la faculté parisienne. Tout ça, c'est arrivé un 5 novembre. Et on continue avec notre segment « Pourquoi du comment ». Eh bien, pourquoi les cigognes sont-elles associées aux naissances? Eh bien, avant de faire le tour du monde, l'image des cigognes porteuses de bébés est née en Alsace au 19e siècle. Selon la légende du Kindenlesbrunnen, selon la légende du Kindenlesbrunnen, littéralement qui s'appelle la fontaine aux enfants en alsacien, eh bien, il y avait autrefois un lac sous la cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg. Les âmes des enfants y barbotaient en attendant de venir au monde. Le maître des lieux, un gnome, sillonnait ce lac tous les jours avec une barque argentée. Dans une barque argentée, il sillonnait ce lac. Muni d'un filet d'or, il récoltait avec délicatesse les petites âmes. Il confiait ensuite à chaque prise à une cigogne, un oiseau qui est très commun dans cette région. Puis le volatile la déposait chez une famille dans le berceau du nouveau-né pour donner finalement une âme au corps du bébé naissant. Les couples désirant un enfant pouvaient également l'exprimer en plaçant des sucreries sur le rebord de la fenêtre destinées toujours à l'animal. Cette légende s'inspire du folklore germanique qui voyait les cigognes comme des messagers divins. C'est magnifique. Donc, c'est une histoire de gnome. J'aime ça. Moi, j'ai l'histoire de gnome, puis de cigogne, puis d'âme. J'adore ça. C'est magique. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis. De 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cestfou.ca.